France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles dans le sens joyeux du terme aujourd'hui, puisque nous sommes à Saint-Étienne dans les studios de France Bleu Saint-Étienne Noir pour commémorer l'accession, il y a 40 ans tout juste, des Verts en finale de la Coupe d'Europe des Champions avec trois invités. Eh bien, deux joueurs. Il y a à ma gauche Hervé Révelli. Bonjour. Bonjour. Hervé, et Dominique Battenet. Bonjour Dominique. Bonjour. Et bien sûr, Jacques Vendroux, grand ordonnateur de cette journée. Jacques qui vient de sortir un livre intitulé Amoureux Flûte chez Calman Lévy et Radio France. Alors Jacques Vendroux, qui a fêté ses 50 ans de carrière, donc Jacques Vendroux est une sorte de pape du football, c'est les Borgia du ballon rond à lui tout seul. Il en a vu des choses, il en a vécu. Et Jacques, je vous ai entendu dire, ou j'ai lu dans un journal, parce qu'on vous entend beaucoup en ce moment, autour de votre livre, vous me dites si la citation n'est pas apocryphe, elle est bien de vous, vous dites « J'ai vécu l'apothéose en tant que commentateur lorsque l'équipe de France de football a gagné la Coupe du Monde ». Mais je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort que ce que j'ai vécu avec les Verts. Et vous confirmez ? Si oui, pourquoi ? Je confirme, je persiste, je signe, j'assume. Et je suis très content que ce 40e anniversaire ait lieu ici à Saint-Étienne. Parce que ça me fait penser à cette magnifique chanson de Charles Trenet qui s'appelle « Que reste-t-il de nos amours ?» Mmh. Et on s'aperçoit que, en fait, nos amours sont toujours présents. Bien sûr. Et qu'on pense toujours à ces moments merveilleux, et sans vouloir jouer les anciens combattants, ou sans vouloir jouer les gens qui disent « c'était mieux avant mm-hmm. », moi je voulais simplement dire que Paul Verlaine a écrit quelque chose de formidable, il a dit que les souvenirs étaient nos meilleurs compagnons, et c'est la vérité. C'est-à-dire que quand vous repensez à cette période, quand vous repensez à la période de 98, quand vous repensez au titre de 84 de Michel Platini avec l'équipe de France, toutes ces bonnes performances, eh bien, quand vous êtes de mauvaise humeur ou quand vous avez un problème dans la vie, vous pensez à ces bons moments que vous avez passés et vous pouvez réattaquer et penser à l'avenir. Et vous pouvez lire aussi le livre de Jean-Michel Larquet, Nos années en vert, hein, chez l'artilleur qui vient de sortir. D'ailleurs, c'est un beau livre aussi parce qu'il est allé vous interviewer, Dominique, Hervé, hein, c'est ça, il est allé voir ses anciens compagnons, et il leur a demandé de confier les souvenirs. Ça s'est passé comme ça, Dominique ? Oui, il n'a pas voulu trop travailler, donc il a demandé à tous ses coéquipiers pratiquement d'écrire son livre. Non, mais je viens de le feuilleter, c'est un livre où tout le monde se raconte et raconte sa vie au sein du groupe. Donc c'est un livre surprenant et émouvant. Hervé Ravelli, ça vous a fait plaisir de confier si vos souvenirs à votre coéquipier, qui était votre capitaine aussi d'ailleurs. Hein. Bien sûr, il était capitaine, oui, bien sûr. Mais moi, Jean-Michel, ça fait longtemps que je le connais, puisqu'on a démarré ensemble. Hein. Donc c'est pas de l'épopée, c'est bien avant. Mais c'est vrai, quand on s'est vu pour ce livre-là, bon, que j'ai feuilleté tout à l'heure aussi un petit peu, donc c'est vrai que ça reflète bien le truc, quoi, notre amitié surtout aussi, parce que bon, il y a beaucoup d'amitié dans ce groupe, hein, faut pas oublier, c'est sûr. Mais ça se voit, ça s'est vu aujourd'hui. Il y avait quasiment tous les Verts aujourd'hui, hein, autour de plusieurs tables dans les studios de cette Radio France Bleu Saint-Étienne Loire, et on voit bien qu'effectivement il y a une amitié forte. Dominique Battenet, vous aviez 22 ans en 76. Quand même, à 22 ans, on est à la fois adulte et ado, hein, on est des gamins à 22 ans, nos enfants ont 22 ans, sont des gamins. Est-ce que vous aviez conscience de ce que vous représentiez pour la France, pas seulement pour un club, pour la France? Est-ce qu'à 22 ans, on arrive à prendre la réelle dimension de cela? Je crois pas. En plus, moi, je suis arrivé dans cette équipe-là en 73, et tout de suite, je me suis mis à gagner des titres avec Saint-Étienne, donc tout était facile, entre guillemets, pour moi, parce que j'avais pas connu de moments difficiles. Donc c'était une suite logique, on était champion de France, on avait gagné la Coupe de France, on avait fait une demi-finale de Coupe d'Europe, la suite logique c'était une finale de Coupe d'Europe. Et la suite encore plus logique, ça aurait été de la gagner, mais bon, on s'est arrêté là. Ah bah oui, ça. Et Hervé Révelli, on va refaire l'histoire, malheureusement. Vous aviez conscience, vous, de ce que vous représentiez, et notamment pour les jeunes, et notamment pour les garçons qui vivent à 14-15 ans, quand on est garçon, souvent on vit pour le foot et par le foot, hein, c'est un petit peu une passion après qui ça s'agit peut-être, mais c'est très important. Vous aviez conscience de ça? Vous aviez 30 ans, vous étiez un peu Moi j'avais 30 ans déjà. Moi j'avais connu un petit peu de galère avant, hein. faut pas oublier. C'est vrai que les jeunes générations comme Babat, ils sont arrivés, comme il dit. Ils ont eu Babat. Ah oui, non, on a tous des surnoms comme ça. Donc Babat, avec toute la nouvelle génération qui est arrivée, bon, ils sont arrivés, c'est vrai qu'ils ont été champions de suite. Mais nous, on avait un petit peu galéré avant, hein, pour arriver là. Parce que moi, j'avais déjà joué la Coupe d'Europe avec l'ancienne équipe. Et où on prenait quand même des bonnes petites casquettes à l'époque, parce que bon, on n'était pas à la hauteur de l'Europe, mais on avait une bonne équipe quand même. Enfin, disons qu'on a eu des galères, donc jusqu'à ce qu'arrive la nouvelle génération et qu'ils nous filent un coup de pied au derrière, parce que c'est vrai que quand ils arrivent, c'est la jeunesse. Nous, on était un petit peu plus vieux, et donc c'est vrai, ils nous ont filé, ils ont dit, si vous voulez, il faut nous suivre, quoi. Avant, on était obligé de suivre et pas arriver jusqu'en 76 à la finale. Donc vous avez vécu quelque chose de très fort, mais est-ce que, je reviens quand même sur ma question, est-ce que vous aviez conscience de ce que vous représentiez pour les gens ? Non, à cette époque-là, non. Ouais. Non, honnêtement, on gagnait titre, c'est vrai que bon, on était sur un nuage, nous aussi, hein, c'était un petit peu, on savait pas. C'est maintenant, c'est après qu'on s'est rendu compte. C'est vrai, quand on a voyagé, je dis, on a voyagé beaucoup, pas mal, et que les gens vous parlent dans des pays impossibles, vous parlent de cette épopée-là. On a un petit recul en disant, punaise, mais jusqu'ici, ils ont pu, je me suis trouvé devant des situations pas possibles, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on a cette réaction-là en disant, on a quand même marqué le football. Alors, je me souviens d'un match complètement dingue auquel j'avais assisté, une demi-finale contre Nantes. Un truc de fou, vous aviez perdu, je crois, 3-0 à Nantes, oui. Vous remontez à 3-0 à Saint-Etienne, mais Henri Michel marque un but, et on s'est dit, bon sang, va falloir encore en marquer 2, 5, 1, c'est pas possible. Et ben vous marquez notamment, je crois, hein. Ouais, au début 10, de la partie, vous d'ailleurs. 10, non, 10 secondes de la fin, c'est moi qui marque le 5e. Je me souviens d'une folie absolue dans les tribunes, qu'est-ce qu'on ressent? J'essaie d'entrer dans l'intimité de moi, ce que j'ai vécu dans les tribunes. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur le terrain et qu'on entend cette folie et qu'on la voit? Moi, je veux dire, des gens s'accrocher au grillage, quoi. C'était complètement fou. Je veux dire une chose sur le cinquième but, là, parce que là, c'est vrai que moi aussi, je m'attendais pas, hein. Donc, quand le ballon est arrivé, c'est Lopez qui fait un centre parce qu'il restait plus que 15 secondes, 10 secondes. Tout le monde criait centre, centre, centre. Puis quand je vois arriver ce ballon-là, il arrive sur ma tête. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais le prolonger. Mais je savais que Bertrand Demann sortait souvent, mais sortait pas très bien. Donc j'ai dit, il faut que je le prolonge, le ballon. Et puis, quand le ballon s'est prolongé, bien sûr, j'ai prolongé. Il est allé finir dans la lucarne. Et c'est quand j'ai entendu le public crier, quoi. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je me suis tourné, j'ai vu le ballon fond du filet, j'avais marqué, quoi. Mais c'est à ce moment-là, c'est le public qui m'a dit, tu as marqué. Alors moi, je ne savais pas. Jacques Vendroux, est-ce que vous avez compris tout de suite que le destin des Verts allait être celui-là? Vous avez, parce que vous connaissez bien le football comme aujourd'hui, vous avez senti un truc, vous avez dit, ceux-là, ils vont aller loin ou pas? Ou ça vous a surpris aussi? Moi, j'ai vécu donc quasiment l'aventure depuis 1972-73. Donc, je voyais cette équipe monter doucement, mais sûrement. Puis, je voyais aussi la popularité qu'il y avait d'abord à Saint-Étienne. Et puis après, quand l'équipe, avant même la Coupe d'Europe, à chaque fois qu'elle se déplaçait avec ce maillot mythique vert, Manu France, à chaque fois qu'il rentrait dans un stade à l'extérieur, que ce soit à Lens, que ce soit à Troyes, que ce soit même à Nantes, je veux dire, cette équipe on avait peur de cette équipe. Ils avaient peur de cette équipe. Les adversaires. Et puis c'était surtout, mais je le répète, c'était une équipe qui était populaire. Elle était populaire parce que au-delà de leur talent incroyable, vous l'avez dit tout à l'heure, très justement Fabrice, ce sont des mecs sympas. C'est des mecs qui se prenaient pas au sérieux. C'est des mecs qui ne se rendaient absolument pas compte, Hervé vient de le dire, de leur popularité. On a l'impression qu'ils traversaient cette aventure le plus naturellement du monde et qu'ils sont devenus les meilleurs, et quand encore au jour d'aujourd'hui, quand vous en parlez sans toujours jouer le rôle de l'ancien combattant ou dire c'est mieux, c'était mieux avant, on se souvient de Dominique Battenet, on se souvient pour la vie de ce coup franc qu'il a marqué à Clemens contre Liverpool, se souvient encore de ce but incroyable d'Hervé Revelli en demi-finale retour de la Coupe de France. Ils avaient pris 3-0 à l'aller. Contre Nantes, j'ai commenté ce match. J'ai failli tomber tellement j'étais excité, tellement j'étais fou de bonheur pour eux et même pour nous, pour la radio. Je veux dire, c'était formidable de commenter ce genre de match. Donc je savais que cette équipe allait loin. Et puis regardez, tous les joueurs qui ont quitté cette équipe après, ils ont fait des carrières dans des clubs de Ligue 1 comme Dominique Battenet et Dominique Rocheteau. Paris Saint-Germain, il y en a plein d'autres. Donc la carrière ne s'est pas arrêtée là. Mais ils ont prolongé leur vie dans d'autres clubs. Hervé a joué à Nice entre-temps. Après, il est devenu entraîneur. Hervé ne le dit pas par pudeur. Mais vous savez qu'à la fin de son contrat, on lui a dit « Bon, c'est fini pour toi ». Il s'est occupé du centre de formation. Mmh. Et puis au bout d'un moment, Herbin était un petit peu dans l'embarras et que les attaquants qu'il avait pris à l'époque, je crois que c'était Barthélémy, des joueurs comme ça qui avaient marqué des buts avec Angers, etc. C'est ça, Dominique ? Je te suis. C'est ça ou c'est pas ça ? Oui, oui, vas-y. Et puis ils ont rappelé Hervé. Ils ont rappelé Hervé au bout de 6 mois en disant non, écoute, finalement, bon, t'as peut-être 32 ou 33 ans, mais il faut que tu reviennes. Vous voyez, c'était des joueurs qui sortaient de l'ordinaire quand même. Alors, donc une équipe sympa, mais alors tout sauf une équipe de touristes. Hein. Je sais, moi, que les entraînements étaient quasiment des entraînements de forçat. Hein. C'est-à-dire que la condition physique était très importante. Et Dominique Matenay, il y a quelque chose d'important. C'était une équipe très professionnelle hein, et qui avait des méthodes en avance sur les autres équipes. Vous pouvez expliquer ça ? Ouais, c'était un club qui s'était construit au fil du temps. Hervé l'a rappelé, il y avait une grosse équipe aussi dans la fin des années 60. Et c'est un club qui s'est construit. Et Roger Rocher, qui est le bâtisseur de ce club, tous les ans apportait quelque chose de nouveau. Nous, on était en avance de 20 ans par rapport aux autres clubs. Au niveau de la récupération, on était les premiers à partir en avion et faire les allers-retours dans la journée. Les premiers à avoir un staff médical complet. Les premiers à avoir un sauna. Les premiers à avoir un terrain synthétique. Enfin, tous les premiers. Et c'est pour ça qu'on a fini premier aussi quelques fois. Donc très professionnel. Et puis Herbin et Roger Rocher, mais je pense que surtout Roby, on se sont posé les bonnes questions. C'est-à-dire pourquoi on est en retard sur les Anglais, les Écossais, les Allemands, enfin tout. Ben parce que physiquement, on n'y était pas. Donc on a beaucoup travaillé physiquement. Et même des fois, quand ils ne voulaient pas nous faire travailler physiquement, ça nous manquait. Donc on demandait à faire ces séances physiques. Voilà, on était aussi attaché à ça. Et puis on savait qu'en travaillant bien la semaine, eh bien, il n'y avait aucune raison qu'on ne soit pas bon le week-end. C'est dur physiquement les entraînements, Hervé Rudy ? Oui, très. Oui, moi, quand il m'a rappelé de Nice, quand Robert Herbin m'a appelé, il était minuit et demi hein, pour me faire revenir. Hein, donc j'étais un petit peu surpris. Il m'a dit, il faut que tu reviennes. Et puis il me dit, voilà, on va monter une grosse équipe. On va jouer l'Europe. Et moi, j'ai dit, t'es fou. Je connais l'effectif, je connais la jeunesse, je connais nous. J'ai dit, il me dit, je vais changer les entraînements. Je dis, quels entraînements tu veux nous faire faire? Et il a commencé à m'expliquer à minuit et demi, hein. Il me dit, on va faire du ski de fond. Je dis, mais j'ai jamais fait de ski de fond. Il me dit, ça fait rien, on va t'apprendre. Après, il m'a expliqué un petit peu. Alors, les séances qu'on fait physique, c'était terrible, quoi. J'ai dit, tu crois qu'on va résister à ça? On va se claquer, on va se faire mal, c'est pas possible. Il a dit, vous allez voir. Avec une bonne hygiène de vie, on va tout faire. Et il avait raison. Il a eu raison parce qu'il a senti ce groupe-là. Il connaissait les jeunes qui étaient là. Il connaissait les joueurs qu'il allait faire revenir et qui pouvaient le faire. Donc il a dit, on va réussir. Et on a réussi. Alors, moi j'ai lu le livre de Jean-Michel Gélarquet que vous n'avez pas encore lu tous les deux. Vous allez le découvrir. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que contrairement à beaucoup de gens qui ont vécu des choses importantes et qui vous disent oui, bon, on a perdu une finale, mais c'était bien quand même. Là, il y a une vraie sincérité. Tous vous dites à quel point, sur le moment, quand vous avez perdu, c'était vraiment très dur, Dominique Matenay. Bien sûr, parce que dans toutes les compétitions à élimination directe, on sait qu'il y a une finalité. C'est-à-dire, il y a un vainqueur et un vaincu. Et on avait été les vainqueurs tout au long de la saison, puisqu'on était arrivé en finale. Et ce match-là, on devient les vaincus. Et c'est très dur à supporter, parce qu'on se dit, c'est pas normal, on a manqué quelque chose. S'il vous plaît, on peut refaire le match, on peut continuer, on peut, je sais pas, revoir quelques actions. Ça nous travaille aussi toute la nuit après, dire pourquoi on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Et puis le lendemain, eh bien, pris un petit peu dans l'euphorie, on a descendu les Champs-Élysées, on est arrivé aussi au stade Geoffroy Guichard qui était plein avec un soleil magnifique et c'est des émotions énormes et on se dit c'est vrai qu'on fait du sport, on est du sport professionnel et de haut niveau, mais c'est aussi pour vivre toutes ces émotions là avec les gens parce que les gens les ont vécues et nous racontent, comme disait Maspi, racontent ce qu'ils ont vécu ouais. Parce que nous on le sait pas. Ouais. Et bien sûr. Quelquefois, ça fait du bien. Hervé Revelli, les souvenirs sont tout frais de la finale. Vous aussi, vous avez souffert. C'était dur de se dire, on a perdu, c'est pas possible, quoi. Eh oui, parce que Dominique vient de le dire, on a été tellement habitués à gagner aussi. En même temps, c'est le Bayern, quand même. Vous frottez au Bayern. Moi, je les avais déjà battus en 69. Donc, moi, je les avais battus en 69. Ils nous avaient battus 2-0 à Munich. et on les a battus 3-0 ici au match retour. Vous voyez, déjà, on avait déjà commencé vous un peu la préparation. Vous aviez démythifié, vous, déjà. Voilà, hein, déjà. Donc, et c'est moi qui avais marqué deux buts ce jour-là en ici, plus. Donc, en plus. Donc, vous voyez qu'on s'était déjà un petit peu préparé à ce genre de situation. Mais c'est vrai que cette finale-là, c'est vrai que moi aussi, on me dit souvent quel est le bon et le mauvais souvenir. Je dis, le bon, c'est déjà d'arriver en finale d'une Coupe d'Europe, c'est déjà extraordinaire. Bien parce sûr. Que tout footballeur rêve de ça. Et puis le mauvais, c'est d'avoir perdu. Et le très mauvais, c'est ce ballon qui me revient sur la tête. Je me dis, non, d'un chien, j'aurais jamais dû la manquer, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu cette occasion-là plusieurs fois, 100 fois à l'entraînement, des fois dans une journée, 100 fois, je le mets au fond. Ce jour-là, je n'ai pas mis au fond, quoi. Donc voilà, donc c'est mon regret, et je pense souvent ça, et ça me fait vraiment mal au cœur. Et puis vous avez eu un gros pansement, un joli pansement sur la plaie. Bah, c'est ce que Jacques Vendroux a organisé, c'est-à-dire le défilé sur les Champs-Élysées. Jacques, vous êtes téméraire quand même, parce que ça s'est super bien passé. Ça a plu à tout le monde, mais au départ, c'était risqué ce que vous avez fait. Ah non, mais c'était... C'était un peu dingue, quoi. Non, mais c'était complètement inconscient. C'était irréel, c'était hallucinant. Moi, je me souviens de la conversation avec Roger Rocher. Et je lui dis, mais Glasgow, Paris, Saint-Étienne, vous faites une petite escale, on vous fait descendre les Champs-Élysées. Il n'y a que Roger Rocher et moi qui sommes au courant du projet, au départ. Et Roger Rocher me dit, quoi qu'il arrive, je dis oui, quoi qu'il arrive. Même en cas de défaite, ça voulait dire. Allez. Oui, exactement. Bon, c'est OK. Donc, on organise tout, etc. Enfin, tu t'en souviens, Dominique, on organise le déplacement, etc. Et puis, on s'aperçoit que... Et le matin, sur France Inter, on commence à annoncer vers 5h du matin, les Verts vont décoller de Glasgow, ils font une escale à Paris, des voitures vont aller les chercher, et ils vont descendre les Champs-Élysées à partir de 14h. Et à 14h, c'est pas 10 000 personnes. C'est 150 000 personnes, entre 100 et 150 000 personnes qui sont sur les Champs-Élysées. Alors tout le monde dit maintenant, 40 ans après, Vendroux il exagère, tout est démesuré chez lui, etc. C'est la vérité. D'ailleurs, les joueurs peuvent le dire. C'est pas un truc qu'on a inventé. Je veux dire, c'est pas. Non, mais c'est clair. Il y a des témoignages. Ils sont les émissions là. Et puis 150 000 personnes. Après, ils sont partis chez. Les joueurs sont partis chez Valéry Giscard d'Estaing. Et j'ai cette phrase en tête qui me restera toute ma vie. Je veux dire, Michel Platini, que vous connaissez tous, est le seul qui arrête pas de nous chambrer, enfin, de les chambrer, ouais, eux et moi directement, en disant, t'es le seul mec au monde à faire descendre une équipe sur les Champs-Élysées qui a perdu. Ça n'existe pas. Je veux dire, ils ont perdu la veille. Ils devraient rentrer tranquillement à Saint-Étienne, ouais, sans se faire remarquer, sans faire d'histoire, sauf qu'ils sont extrêmement populaires. Et il dit, moi j'ai tout gagné, j'ai jamais descendu les Champs-Élysées. Bon, après il y a Prost qui a descendu les Champs-Élysées, après il y a les différentes équipes olympiques qui avaient obtenu des bons résultats, ou l'équipe de France de handball, après leur titre de champion du monde ou champion olympique, ont descendu les champs. Mais ça reste quand même, je dis, c'est ce que je dis en rigolant tout le temps, enfin c'est pas en rigolant, ont descendu les Champs-Élysées, je veux dire, pendant le XXe siècle, les Verts de Saint-Étienne, et un petit peu avant... Le général de Gaulle, ah ouais, faut pas l'oublier. Et comment vous l'avez vu, alors rapidement, tous les deux, Dominique Battenet et Hervé Revelli, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, c'est désespérant, mais c'est comme ça. Comment vous l'avez vécu, vous, cette descente? Bon, d'abord, très surpris de voir le monde qu'il y avait pour descendre les Champs-Élysées. D'ailleurs, je me demande pourquoi on les descend toujours, on ne les remonte jamais. Mais voilà, très très surpris de tout cet engouement. Et comme l'a dit Jacques, ça veut dire qu'on était populaire et une équipe populaire. C'est clair. Hervé Revelli, 10 secondes, après c'est fini. 10 secondes, ouais, pas plus. Formidable aussi. Les Champs-Élysées, c'est extraordinaire. Il n'y a que les présidents de République qui descendent les Champs-Élysées, voilà. Et nous, voilà, c'est tout. Et ben voilà. Eh ben écoutez, merci les Verts, merci pour cette émission, merci pour ce que vous avez fait il y a 40 ans, et merci pour le souvenir qui va se perpétuer comme ça, longtemps, enfin j'espère. C'était Affaires Sensibles et Joyeuses aujourd'hui, la saga des Verts, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction, elle sera consacrée à Coco Chanel. Merci pour la préparation de cette émission également à Léa Dupouy-Henquin et Lucille Valérie, nos attachés de production au rôle si prépondérant. C'est bon, ouais.